oreille assurée. Bientôt, la grande enculade. Ils veulent que je change de bord, mais je me sens pas mal comme je suis. Ils ne sont qu'une bande de porcs, et je pisse sur leurs idées moisies. Bienvenue dans le Wokistan, tous à poil à voile à vapeur. Je préfère m'enfuir en Iran. Je ne supporte plus leur mauvaise odeur. Tolérant, je t'emmerde et te pisse au cul. Ces salopes s'en prennent aux enfants. Mes excuses, fous-toi les au cul. Bienvenue dans le Wokistan. Tous à voile à voile à vapeur. Je préfère m'enfuir en Iran. Je ne supporte plus leur mauvaise odeur. Je préfère m'enfuir en Iran. Je ne supporte plus leur mauvaise odeur.